Après les émotions des Trois Glorieuses, un peu de repos champêtre a paru nécessaire et la Dame du Lac au grand complet s'en est allée à Ville-d'Avray, dans la maison de campagne des Chocard. À l'aube du dimanche matin, Valérien s'est rendu dans un coin de forêt désigné par sa fiancée comme un point de rendez-vous secret. En attendant Malvina, il se livre aux aimables rêveries que lui suggère son imagination romantique et son ambition. Ambition opportune et justifiée, puisque le directeur de l'opéra vient de lui commander la musique d'un ballet intitulé « Les Sylphides ». Beau sujet. Les muses, les nymphes voltigent autour du jeune compositeur avec l'évocation toujours présente de Malvina. Elle m'a écrit, je serai dimanche matin à Ville-d'Avray. Nous venons avec toute la dame du lac. Attendez-moi près du petit lac. Les amoureux sont toujours en avance et réveillés par l'espérance. Je me suis mis en route avant le jour. Dans un rêve étoilé, je marche vers l'amour. Et voici que le jour se lève, plus dans le jour naissant que cet endroit est quel décor pour mon ballet, car l'opéra, la Taglioni dansera. Et moi, je les vois, mais s'il les voilà qui sortent du bois, de rosée encore toute mine. Oui, c'est ainsi qu'à l'opéra, on les verra. Et dans la mort, au droit de rose, et le cœur des fleurs, avec de gracieuse pose. Et les fleurs se changent en diamants, dont elles font mille bijoux charmants. C'est ainsi qu'on les verra à l'opéra. J'entends aussi la musique très discrètement romantique. Sur laquelle elles danseront et voleront, se berceront. C'est une valse légère, messagère du printemps. C'est une valse idyllique, symbolique du printemps. C'est une valse amoureuse, langoureuse, vaporeuse. Oui, c'est ainsi qu'on les verra à l'opéra. Près de l'étang écartant les roseaux, la dame du lac danse sur les eaux. Miracle, le voilà, elle ressemble à Malvina. C'est une valse amoureuse, langoureuse. Oui, c'est ainsi qu'à l'opéra, la Tagliati dansera. Malvina, toi, voûte, toi, mon ange, ma rose, ma fée. Valérien, vous, toi, mon lion superbe, mon vainqueur. Oh, prenez garde, ils nous suivent. Adèle, que j'ai mise dans la confidence, a fait semblant de se fouler le pied, de se trouver mal. Pendant qu'on la soigne... Nous avons le temps de causer. Oui, elle est Arthur qui veut m'épouser. Je le déteste. Je t'aime, tu m'adores. Voilà la situation. Mon père reste inflexible. Et Arthur ne veut pas me lâcher. D'une semelle, quelle savetier. Nous allons mettre entre lui et toi l'irréparable. Cher irréparable, tu as un plan ? Oui, mon cheval. Il est fougueux ? Oh, une bête superbe. Je l'ai prise en location pour 3 francs. Je te jette en travers de ma selle et nous partons au galop. Ivresse, nous galopons, nous galopons. Irons-nous ? Mais où tu voudras ? Oh, mon ravisseur. Ma douce proie. Amour, flambeau du monde, adorable folie. Irons-nous en Écosse, en Grèce, en Italie? En Grèce, en Italie! En Espagne, dans la Sierra! C'est comme il te siéra. Mais puisque j'ai le choix, je préfère l'Espagne. J'y possède un château, là-bas, dans la montagne. Je verrai dans tes bras. Tu verras dans mes bras. Je l'ai vu dans mes bras, blanc, blanc, blanc. Écoute, Malvina, ma jalouse compagne, croisons un voyageur, ce n'est pas en Espagne. Ce n'est pas en Espagne qu'il faudrait tous deux nous cacher. On viendrait nous chercher. Tu crois? Parce que vois-tu bien, l'Espagne est à la mode. Paris est un endroit plus sûr et plus commode. Et l'on n'est jamais pris. Et l'on n'est jamais pris. Non, l'on n'est jamais pris. À Paris. Nous irons à Paris. Je ferai connaître Giacomo Meyerbeer, Hector Berlioz, mon maître, Herbini, Paganini, Bellini, Rossini, Gavarni, Hernani. Je connais tous les noms que le monde applaudit dans le siècle où nous sommes. Fantoni. Malvina, mon amour, je veux être sincère. Je n'ai pas de château, je t'offre la misère. Tu m'offres la misère avec de la musique autour. Il le dit sans détour. Je t'offre un beau voyage au pays de Bohème, où l'on chante, où l'on rit, où l'on rêve, où l'on s'aime, où l'on vit nuit et jour. Nuit et jour, nuit et jour, où l'on vit nuit et jour. Le duo Malvina-Valérien a son écho dans d'autres chœurs. Monsieur et Madame Chocard, se promenant à l'orée de la forêt, évoquent leurs souvenirs. Ville d'Arrêt, cette clairière, je la reconnais. Ça ne te rappelle rien? Hein? Oh, ça ne te rappelle rien? Si, mais dis toujours. Cet arbre. Bien cet arbre. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a le... Regarde-le bien. Oui, c'est un chêne. Mais qu'y a-t-il sur cet arbre? Des feuilles. Oui, bien sûr, mais il y a aussi quelque chose d'inscrit. Moi, je suis effacé. Oh. En regardant bien, on lit, ou plutôt, on devine, devine. Mets tes lunettes. Attends, je les mets, prudence, je les mets là. Eugène. 1810. Tu te souviens maintenant? Oh, si je me souviens. Oh, ma chère femme. Ôte tes lunettes. C'est ici qu'il y a 20 ans, par le plus beau jour de printemps, sur ce vieux chêne, sur ce vieux chêne, nous avons gravé nos deux noms, et quelle grand-peine nous devinons. Pour lui danser, c'était hier, et c'est jadis, sous ce vieux chêne, sous ce vieux chêne, j'ai ravi ton premier baiser. Ne devais-tu pas m'épouser la fois prochaine? La fois prochaine, j'étais jeune alors, je chantais à pleine voix, je me sentais fort comme un chêne. Oh mon ami, tu l'es encore, et tu chanterais aussi fort. Prudence, Eugène, douce émotion. Prenez. Rougissante, je reconnais notre vieux chêne. Souvenir charmant. C'était là que tremblante j'acceptais la plus douce chaîne. Oui, c'est là. Oui, c'est là qu'il y a 20 ans. Plus beau jour de printemps, sur ce vieux chêne, nous avons gravé nos deux noms, qu'à grand-peine nous devinons. Prudence, Madame Chocard, allons examiner les livres de caisse. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, je ne joue plus, je ne joue plus. Ah non, non, vous me pressez, vous me chatouillez, non, non. Nous n'avons que vous à taquiner en fait d'homme. Mais où donc est Malvina? Elle rêve sous un arbre. Elle a dit qu'elle reviendrait pour jouer à Colin-Maillard. Allons, bon, Colin-Maillard maintenant. Laissez-vous bander les yeux. Vous y verrez peut-être plus clair. Vous ressemblez à l'amour. Oh, oh, doucement le mouchoir, mademoiselle Caroline, tout doucement. Là. Attendez, que je vous fasse faire deux petits tours. Où sont-elles? Ce n'est pas possible. Il n'y a personne. Oh, si je pouvais attraper Malvina, je commencerais par l'embrasser sur les deux joues. Allez aux arcs. Oh, j'en tiens une. C'est vous, Irma? Non, ce n'est pas Irma. Qui êtes-vous? Un mot, un geste, et tu es mort. Oh, combien vous faut-il? Voulez-vous 12 francs? Il ne s'agit pas d'argent. Je viens te donner un conseil. J'aime mieux ça. Renonce à Malvina. Je renonce. J'ai ta parole. Oui. Ne t'avise pas de la prendre. La maison ne reprend jamais rien. Il y va de tes jours, compris? Compris. Un bon entendeur, salut! Salut et adieu. Où diable ai-je entendu cette voix-là? Oh, comme vous êtes pâle, monsieur Arthur. Je viens d'être attaqué. Attaqué, oh mon Dieu! Oh, j'ai mis les brigands en fuite. Oh. Mais j'en ai assez, je retourne à Paris. Mademoiselle Adèle, ma résolution est prise. Si je dois revenir seule à pied, eh bien, je reviendrai seule. Oh, emmenez-moi. Vous? Oui, moi. Je bannis toute pudeur, monsieur Arthur. Emmenez-moi. Attendez. Attendez donc. Attendez. Qu'avez-vous, monsieur Arthur? Une illumination. Oh, tout à coup, imbécile que j'étais. Mais tout à l'heure, quand le char à banc nous secouait, qui est-ce qui m'a demandé? Vous n'avez pas mal au cœur, monsieur Arthur? Moi. Et quand le soleil a commencé à taper, qui est-ce qui a pensé à protéger ma petite tête avec un petit mouchoir? Moi. Et tout à l'heure encore, qui a pensé à mettre les bouteilles de bière dans le ruisseau pour que je boive frais? Moi. Et qui me rend justice? Vous, vous, toujours vous. Il me semble que c'est la première fois que je vous vois. Parce que c'est la première fois que vous me regardez. Et qui est-ce qui est jolie sans que je m'en sois encore aperçue? Oh. Aveugle, insensé que j'étais. Mais Malvina serait impossible dans le commerce, voyons. Tandis que vous, fermez les yeux. J'obéis. C'est si doux d'obéir. Que voyez-vous? Mon Dieu! Non, ne répondez pas. Je vais vous le dire, moi, ce que vous voyez. Nous commençons petitement, modestement, après beaucoup d'économies et d'insomnie. Après beaucoup d'économies! On s'enrichit, on s'agrandit, on s'élargit, on s'établit. Un bon matin, chaussée d'antin. On s'établit, chaussée d'antin! J'ai l'œil partout, je vends de tout, bonnetterie et lingerie, parfumerie et glanterie. Parfumerie et glanterie! Chemiserie et mercerie, cordonnerie, chapellerie, tapisserie, papeterie. Ah, c'est ça, je vous en prie! Passementerie, maroquinerie et soierie. Bijouterie, argenterie, orfèvrerie, tous les rayons, ça représente des millions. Des millions? Des millions! Des millions! Ameublement, habillement, équipement, tous les articles de ménage et de voyage. Les articles de voyage. Un étalage étourdissant, éblouissant, resplendissant, envahissant et ravissant. Un étalage éblouissant. J'ai l'œil partout, je vends de tout, lunetterie, broderie, pelleterie et draperie. Pelleterie et draperie. Coutellerie, esparterie, orgerie, bépoterie, confiserie et librairie. C'est ça, je vous en prie. Cirage et pommade. Couvert à salade. Accolade. Et quant à faire des enfants, on trouvera toujours le temps d'en fabriquer un tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Malvina, mise au courant de la situation, applaudit de tout cœur. Arthur, intimidé par Valéria, nous le savons, ne demande pas mieux, mais il présente la chose à ses beaux-parents sous un angle un peu différent. Expliquez-vous, Arthur. C'est un mystère. Tout à l'heure, un inconnu qui avait une cape de couleur muraille, un foulard sur la figure et la voix de... Ah, j'y suis. La voix de Monsieur Valérien m'a supplié de renoncer à Mademoiselle Malvina. Il a su trouver des mots qui m'ont touché, il m'a fait pitié, j'ai bon cœur, j'ai cédé. Et je viens vous demander la main... Oui, ben c'est ça, ben nous verrons ça plus tard. Hein. Parlons au plus précis, je flaire un enlèvement. C'est redevenu à la mode. Oh, patron, regardez. Quoi? Oh, mais c'est que c'est vrai. Hein? Mais il l'enlève pour de bon. Ma fille en travers d'une scène. Au secours. Au secours. Au secours. Oh, prends malheureux, elle est tout jeune. Oui. Oh, je n'y vois plus clair, tant mais, je suis ému. Mais c'est... Oh, ils vont. À fond de train. Non, trop. Oh, ne tombe pas. Oui. Tombe de toi, Malvina. Quel conseil. Oui, non, mais non, c'est le cheval qui s'arrête court. Il ne veut pas aller le plus loin. Mais forcément, il était plus en location. Des gens accourent et forment un rassemblement autour d'eux. Le cheval fait demi-tour. Ils reviennent suivis de tout le village. Oh, mon papa, je vous demande de la mansuétude. Oui, ce jeune homme a combattu à tes côtés. Ah, écoute, il fallait que je donne ma fille à tous ceux qui ont combattu à mes côtés. Oh, oui, mais j'ai promis à monsieur Valérien qu'il épousera notre fille, Malvina. Mais tu as eu le temps de le lui promettre. Oh, il était blessé. Oui, je croyais qu'Arthur était tué. Et là. Je ne savais plus ce que je faisais. J'étais tué. Mon père, ma mère, ma sœur. Pourquoi ce silence de glace? Ton choix, le velasse. infâme ravisseur. Laissez-moi parler seulement. Un nom infamant. Mais c'est charmant, mais c'est charmant. Ainsi, monsieur, vous enleviez ma fille. Ça, c'est bon, mais un enlèvement. Un enlèvement. Mais c'est charmant, mais c'est charmant. J'ai vu Malvina, je l'adore. Pardonnez-moi si j'ai l'esprit hâtif. Je l'enleverai, mais pour le bon motif. Que pourrais-je vous dire encore? Et mon intention, demain, après-demain, était de vous demander sa main. Puisque j'épouse Adèle et qu'il doit épouser Malvina, ça ne sort pas de la famille. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut caser deux filles. Un enlèvement, un enlèvement. Je ne donne pas mon consentement. Oh, ne sois pas impitoyable. Ta fille est une misérable. Oh, tu dis ça, toi? Oui, oui. Oh, et pourtant, hein? C'est ici qu'il y a 20 ans, front rougissant, cœur palpitant, moi, l'innocente jouvencelle, tu m'as jeté en travers de ta selle. Et si le vieux cheval n'était pas revenu de lui-même... C'était peut-être le même. C'en était fait de ma vertu. La chose est à peine croyable. Oh, ne sois pas impitoyable. À maman, à papa, oui. Vous ne nous aviez pas dit ça. La maman, le papa, ne leur avait jamais dit ça. J'en aurais vu les journées, moi. Adèle, Arthur, Malvina, lui, mes 4 enfants, je vous unis et je vous bénis après les combats, l'hyménée. Vous fûtes jeune et pour subjuguer une femme aimable, autrefois vous avez conjugué un verbe admirable. De l'histoire, c'est la morale, il a raison. Il a raison, de plus belle conjugaison, il n'en est pas quand elle est conjugale. Et nous, asseyons-nous sur l'herbe, pendant qu'ils conjuguent leur verbe. Le verbe aimer, le verbe de l'amour, nous le conjuguerons à notre tour. Je t'aime, je t'aime, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Elle m'aime, bonheur suprême, dans le 7e ciel, nous planons. Je t'aime, je t'aime, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Elle m'aime, merveilleux thème, divin poème, nous nous aimons. Tous ces petits sont gentils, tous ces charmants sont charmants, ils s'aiment, ils s'aiment. Ma bien-aimée, ce fut par un bon soir de mai que je t'ai fait. Et un beau mur, que nos cœurs étaient à l'armure. Tout nous disait, aimer, aimer. Un long baiser unit nos âmes. Enlacés, nous surpris le jour. C'est ainsi que nous nous aimons. Amour. Amour. Amour. Divin poème, nous aimons. Doute cruel, triste pensée, un jour c'est plus qu'une même. Moi, cesser de t'aimer, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Dans mes bras, doucement, merci, au blond de mes anges, jusqu'à la mort, je t'aimerai. Bien que tout passe, tout lance, le Dieu des constantes amours avait voulu. de cette